à la rue. Je déguise en moisi sûr, on me donne la confiture. Je déguise en algue bleue, tout le monde m'appelle monsieur.